Quatrième partie, chapitre 9, troisième section, conditions et empêchements. Que faut-il pour contracter validement le mariage chrétien? Pour contracter validement le mariage chrétien, il est nécessaire d'être libre de tout empêchement dirimant du mariage et donner librement son consentement au contrat du mariage devant son curé ou un prêtre délégué par lui et deux témoins. Que faut-il pour contracter licitement le mariage chrétien? Pour contracter licitement le mariage chrétien, il est nécessaire d'être libre de tous les empêchements prohibants du mariage, être instruit des choses principales de la religion et être en état de grâce, car sans cela, on commettrait un sacrilège. Qu'est-ce que les empêchements de mariage? Les empêchements de mariage sont les diverses circonstances qui rendent le mariage invalide ou illicite. Dans le premier cas, on les appelle empêchements dirimants, dans le second, empêchements prohibants. Donnez-moi des exemples d'empêchements dirimants. Sont empêchements dirimants, par exemple, la parenté naturelle jusqu'au quatrième degré, la parenté spirituelle, le vœu solennel de chasteté, la diversité de culte entre les baptisés et les non-baptisés, etc. Donnez-moi des exemples d'empêchements prohibants. Sont empêchements prohibants, par exemple, le temps prohibé, le vœu simple de chasteté, etc. Les fidèles sont-ils obligés de manifester à l'autorité ecclésiastique les empêchements de mariage qu'ils connaissent? Les fidèles sont obligés de manifester à l'autorité ecclésiastique les empêchements de mariage qu'ils connaissent, et c'est pour cela que les curés publient les bans. Qui a le pouvoir d'établir des empêchements de mariage, d'en dispenser et de juger de la validité du mariage chrétien? Il n'y a que l'Église qui ait le pouvoir d'établir des empêchements et de juger de la validité du mariage entre chrétiens, comme il n'y a qu'elle qui puisse dispenser des empêchements qu'elle a établis. Pourquoi n'y a-t-il que l'Église qui ait le pouvoir d'établir des empêchements et de juger de la validité du mariage? Il n'y a que l'Église qui ait le pouvoir d'établir des empêchements, de juger de la validité du mariage et de dispenser des empêchements qu'elle a établis, parce que, dans le mariage chrétien, le contrat lui-même tombe sous le pouvoir de l'Église à laquelle seul Jésus-Christ a donné le droit de faire des lois et de porter des décisions dans les choses saintes. L'autorité civile peut-elle, par le divorce, briser le lien du mariage chrétien? Non, le lien du mariage chrétien ne peut être brisé par l'autorité civile, parce que celle-ci ne peut s'ingérer en matière de sacrement ni séparer ce que Dieu a uni. Qu'est-ce que le mariage civil? Le mariage civil n'est autre chose qu'une pure formalité prescrite par la loi pour donner et assurer les effets civils du mariage aux époux et à leurs enfants. Suffit-il pour un chrétien de ne faire que le mariage ou un contrat civil? Pour un chrétien, il ne suffit pas de ne faire que le contrat civil, parce que ce n'est pas un sacrement, ni par suite un vrai mariage. Dans quelles conditions seraient des époux qui vivraient ensemble unis seulement par le mariage civil? Des époux qui vivraient ensemble unis seulement par le mariage civil seraient dans un état habituel de péché mortel et leur union resterait toujours illégitime devant Dieu et l'Église. Doit-on faire aussi le mariage civil? On doit faire le mariage civil, parce que, bien qu'il ne soit pas un sacrement, il sert cependant à garantir aux contractants et à leurs enfants les effets civils de la société conjugale. Et c'est pour cela que, en règle générale, l'autorité ecclésiastique ne permet le mariage religieux que lorsqu'ont été accomplies les formalités prescrites par l'autorité civile.